Faites-moi rebelle à toute vanité, mettre docile à son génie, comme le poing à la longée du bras. Faites-moi commissaire de son sang. Faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement. Mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Faites de moi l'exécuteur de ses œuvres hautes. Mais le faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Car pour me consacrer à cet unique peuple, vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige bêcheur de cette unique race. Que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle, l'assommer libre enfin de produire de son intimité close la succulence des fruits.